Le hip-hop de 96 a fait des émules. Je reste qui est bleu dans le flow et le message comme une tête de mule. Concentré sur mon objectif comme un type qui s'aime. Moudia, il dit ne t'y perdra. Je calcule tes failles et t'as peu là où ça fait mal. Remis le couteau dans la plaie. T'as pas compris ce qui s'est passé. Je suis déjà passé au plan d'après. Je suis au rang d'athlète qui fout les paniers à côté. Tu manges comme un hyper qui tes pouvoirs dont je suis doté. T'es en train de flotter comme un déchet à la surface. Avec ta pure face de mytho dur par où mon croûte repasse. Je suis le prédateur. Des RM tatoués dans tes oreilles. Mon flow c'est celui que t'aurais aimé avoir, mais bon ça saurait. J'porte une optica et te mène en bateau. J'enfonce le clou dans ta tête comme si j'étais marteau. C'est encore un type en casquette qui portait les chapeaux. T'as beau faire le beau, c'est comme un caveau qui se traite. J'suis sûrement pas le plus fort, mais j'vois comme t'es mauvais. Y'a le caviar, t'es McDonald's, j'suis José Bové. Et j'casse la vitre comme un pavé. Fous les pieds dans le plat, un flot d'ampleur. Les faux en pleurs, marche pas sur mes bandes de place. Te plaît, j't'en plâtre, balle et te bats. Continue à faire ce que tu sais faire. J'm'en bats les deux gars, mon style vient de ce que tu es. J'parle des deux gars, une lame à double sens, un flow à double tranchant. La médiocrité s'étale sur les réseaux, c'est navrant. Et le public ado en redemande comme de la meca. Rien de nouveau sous le soleil, la variété pilule. Ça pile cul, mais j'taille ta cébule, tu réjules. Au milieu de la nuit, comme un rappel, on parle pas la même langue. T'es carrément tombé dans la tour de Babel. T'es rasoir, j'suis le gun pointé sur tes yeux coups. Va te rasseoir, tu vas manger des coups ou finir en passoir. Mais pas soir, j'suis en train de me détendre, j'ai l'espace. Tu as fait battre ta tête de troupie, tu ressembles à Charles Pasqua. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, c'est la miss musique, me lasse une seule menace. C'est miss comme la piste dégueulasse. C'est dans les mœurs de bonne neige. Où tu me dégoûtes? J'me mélange pas comme une élan. Même pas une goutte, ça te choque. J'préfère shooter que me faire shooter. J'suis pas un mouton, tu t'es fait manger le crâne par des enzymes gloutons. Le net, ça fait pousser des couilles et des ailes comme Icard. J't'ai tricard, trimard, pire, t'es plus sous l'ombre du Ricard. Un picard, siette qui s'embrouille sur les réseaux. Et dans la rue, regarde ses baskets, mec, tu pèses au milieu d'un tas de plumes, tu me rends ouf. C'est impressionnant toute la fierté que peut te ramener les sproufs. Tu dis plaisir de l'échéance, si merde, j'te passe le bonsoir. Ton concert, c'était ta demeure, t'étais pas très bon soir. Ton costard, j'te taille sur mesure. En 16, n'emploie pas le mot rap, tu fais de la variété française. C'est juste que t'étais pas au courant, au fond j't'en veux hap. Tu n'impressionnes personne dans tes clips quand tu joues le bap ou le baron de la drogue. T'es encore en vie, car le ridicule n'est du pas. Mais fais bien gaulerie, tes conneries ça va 5 minutes. Mais fais un effort, tu n'es pas fort. Un enfant fait mieux, la rime est un sport. T'as acheté un survêtement, tu veux direct les JO. T'es idiot, j'te plie haut. T'es part de la course, allonge-toi sur le bio. Mieux vaut que tu te reconvertisses. Tes convictions sont factices, laisse tomber tes trop lisses. J'ai rien dit sur ta dégaine, hein. T'as vu, j'suis resté gentil. Eh bah voilà, tu chiales maintenant. Bah ouais, mais c'est toi aussi là avec tes faux trucs de paltringue. Tu cherches la merde. Bon allez, une soupe, un super et au lit, hein. Merci, bonsoir. Tocard, va.